Module 2, étude 4. Les ouvrages qui constituent la codification spirite. Véritable encyclopédie d'enseignements transcendantaux, la codification a été le fruit mûr et béni d'un plan élaboré par les esprits supérieurs et dont l'un des architectes a concrétisé la mission qui lui incombait, incarné sur Terre, le professeur Rivail. La codification spirite comprend les livres suivants, selon l'ordre de leur publication, le livre des esprits, en 1857, le livre des médiums, 1861, l'évangile selon le spiritisme, 1864, le ciel et l'enfer, 1865, la genèse, 1868. Chaque livre contient la matière juste nécessaire à sa compréhension à cette époque, mais comme la doctrine est progressive, bien que les enseignements de base subsistent, ils ont été complétés par des études postérieures, sans que rien ne soit modifié dans les bases doctrinales exposées par les esprits et par le professeur Rivail. Maintenant, voyons chacun de ces ouvrages en détail. Le livre des esprits. Le livre des esprits, le premier livre de la codification, renferme les bases fondamentales du spiritisme. Selon la couverture, il contient les principes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs avec la participation de différents médiums, recueillis et mis en ordre par le professeur Rivail. La première édition de 501 questions contient l'enseignement donné par les esprits, dirigé par l'esprit de vérité. Les messages ont été reçus par les médiums Caroline et Julie Baudin, qui étaient encore très jeunes à cette époque, Mademoiselle Jaffet et d'autres médiums. Pour la deuxième édition, que le professeur Rivail considérait comme définitive, d'autres médiums ont participé. Cette édition, bien plus développée, contient 1018 questions, des notes complémentaires et des commentaires. Ce livre, dans sa structure générale, présente une introduction composée de 17 items, contenant un résumé des ses principes de base de la doctrine, les aspects les plus relevants des phénomènes qui ont marqué son apparition et une appréciation critique des oppositions des contradicteurs. On y trouve les mots « spirit », « spiritiste » et « spiritisme » créés par le professeur Rivail pour indiquer la croyance dans l'existence des esprits et dans leur communication avec les mondes corporels. Ensuite, le prolégomène, précédé par un septe divin dessiné par les esprits eux-mêmes qui informe la manière dont a été révélée la doctrine, les auteurs et les buts du livre, les esprits qui ont travaillé à l'exécution de l'œuvre et des extraits de messages transmis au professeur Rivail ou Kardec sur sa mission décrite, le livre des esprits. Ensuite s'ensuit le corps de l'œuvre, divisé en quatre parties selon la table des matières, à savoir le premier livre, les causes premières, Dieu, éléments généraux de l'univers, création, principe vital. Livre 2. Monde spiritu, des esprits, incarnation des esprits, retour à la vie corporelle, à la vie spirituelle, pluralité des existences, vie spirit, retour à la vie corporelle, émancipation de l'âme, intervention des esprits dans le monde corporel, occupation et émission des esprits, les trois règnes. Troisième livre. Loi morale, loi divine ou naturelle, loi d'adoration, du travail, de reproduction, de conservation, de destruction, société, de progrès, d'égalité, de liberté, de justice, d'amour et de charité, perfection morale. Et ensuite, le quatrième livre, espérance et consolation, peines et jouissances terrestres, peines et jouissances futures. Comme on peut le remarquer, le partage des sujets n'a pas été réalisé de façon arbitraire, mais au contraire, il dénote une correspondance logique, une séquence de pensée. Les matières exposées, distribuées avec méthode, vont des questions les plus générales aux plus spéciales, donc avec le raisonnement déductif, et de même, commencent par des spéculations de l'ordre transcendantal pour aller jusqu'aux problèmes pratiques propres à la nature humaine. S'en vient donc la conclusion, en 9 items, dans laquelle le codificateur montre les conséquences futures des actes de notre vie présente et, reprenant les concepts de base de la doctrine spirite, donne une fin harmonieuse à l'œuvre. sur l'autorité du Livre des Esprits. Le professeur Rivail, alias Kardec, a plusieurs reprises dans la codification l'attribue aux esprits. Voici ce qu'il affirme dans le Prolégomène. Ce livre est le recueil de leurs enseignements. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'esprits supérieurs pour établir les fondements de la véritable doctrine spirit, dégagée des erreurs et des préjugés. Il ne renferme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre est la distribution méthodique des matières, ainsi que la forme matérielle de quelques parties de la rédaction, sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de la publier. D'un autre côté, affirme Herminio Miranda, l'intention des messagers spirituels ne semble être de dicter un travail prêt et fini, comme un flash divin, du haut vers le bas. Il laisse au professeur Rivail ou Kardec l'imitation et l'initiative d'élaborer les questions et de concevoir, non par l'essence du travail, mais le plan général de sa présentation aux hommes. L'œuvre ne doit pas être un monologue où des êtres supérieurs pontifient avec érudition sur les grands problèmes de l'être et de la vie. C'est un dialogue dans lequel l'homme incarné cherche à apprendre avec des frères plus expérimentés de nouvelles dimensions de la vérité. Il faut donc que les questions et les doutes soient présentés du point de vue humain pour que le monde spirituel les explique avec un langage simple. En résumé, le Livre des Esprits est un recueil de principes fondamentaux d'où émergent d'innombrables prises pour d'autres réflexions, conquêtes et réalisations. Il contient les germes de toutes les grandes idées que l'humanité a cogitées au long du temps, mais les esprits ne font pas le travail à notre place. Dans aucune autre entreprise humaine, on ne voit si clairement les signes d'une coordination intelligente, consciente et préétablie d'efforts entre les deux phases de la vie, incarnée et désincarnée. Seconde œuvre de la codification, le Livre des médiums. Le Livre des médiums, ou Guide des médiums et des évocateurs, a été publié en janvier 1861 pour faire suite au Livre des esprits, remplaçant l'instruction pratique sur les manifestations spirites, livre publié en 1858. Le Livre des médiums, beaucoup plus complet, contient selon sa couverture l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communication avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Les matières y sont organisées en deux parties. La première sur les notions préliminaires en quatre chapitres, tandis que la deuxième réunit en 32 chapitres les manifestations spirites. Après le travail de construction de la colonne centrale de la codification spirite, le Livre des Esprits, le moment était venu d'étudier et d'exposer aux hommes les aspects expérimentaux implicites dans la doctrine des esprits, surtout en ce qui concerne la pratique de la médiumnité, le plus important de ces aspects, vu qu'il est l'instrument de communication entre les deux mondes. Au sujet de la médiumnité et la communication entre les deux plans de la vie, voici ce que nous dit Pedro Barbosa. La médiumnité est la source primordiale des enseignements de la doctrine et les tâches constituent aujourd'hui sans aucun doute une importante contribution des spirites qui s'y dédient pour consolider la foi raisonnée et pour le retour à la normalité des conditions psychiques altérées de ceux qui, enlacés dans les trames de l'obsession déguisée et tenace, viennent angoisser dans les centres spirites où ils sont acheminés. La communication entre les deux mondes, le monde corporel, matériel ou visible, et l'incorporel, immatériel ou invisible, est une prémisse de base du spiritisme qui ne serait qu'un spiritualisme irréel et douteux si on la niait et si on la répudiait. Cette communication, disciplinée et orientée vers la vraie finalité, peut être obtenue et maintenue en appliquant, pour la technique de sa réalisation, les enseignements du professeur Rivail contenus dans le Livre des médiums. Ces enseignements de Kardec ou professeur Rivail sont précieux parce qu'ils vont bien au-delà de l'enseignement de la technique de communication avec l'esprit. En traitant le sujet pratique médiumnique, il attire l'attention de ceux qui s'en occupent en leur montrant les difficultés et les désillusions qui l'accompagnent. L'expérience nous confirme tous les jours dans cette opinion que les difficultés et les mécomptes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science, et nous sommes heureux d'avoir été à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat a porté ses fruits et que beaucoup ont dû, à la lecture de cet ouvrage, d'avoir pu les éviter. Un désir bien naturel chez les personnes qui s'occupent du spiritisme, c'est de pouvoir entrer elle-même en communication avec les esprits, c'est alors aplanir la route que cet ouvrage est destiné en les faisant profiter du fruit de nos longues et laborieuses études. Car on s'en ferait une idée très fausse si l'on pensait que, pour être expert en cette matière, il suffit de savoir poser les doigts sur une table pour la faire tourner ou tenir un crayon pour écrire. On se tromperait également si l'on croyait trouver dans cet ouvrage une recette universelle et infaillible pour former des médiums. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des qualités nécessaires pour le devenir, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents et leur développement tient à des causes qu'il ne dépend de personne de faire naître à volonté. Bien des studieux du spiritisme, incarnés et désincarnés, ne se sont prononcés sur l'importance et l'actualité de ce livre. Voici les impressions de l'un d'eux. Plus de 100 ans après la publication, le livre des médiums reste un guide sûr pour les médiums et dirigeants des séances pratiques, et les enseignants trouvent dans ces pages d'abondants enseignements précieux et sûrs qui permettent à chacun la noble tâche de communiquer avec les esprits sans les dangers de l'improvisation, des croyances ou de l'empirisme routinier, fruit de l'accommodation et de la fuite de l'étude. L'Évangile selon le spiritisme. Ce livre contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie a été publié en 1864 sous le titre Imitation de l'Évangile selon le spiritisme. À partir de la deuxième édition en 65, il porte un nouveau titre, L'Évangile selon le spiritisme. Il contient une préface constituée d'un message signé par l'Esprit de vérité et qui résume le caractère du spiritisme et la finalité de cette œuvre. L'introduction en 4 points et le corps du livre en 28 chapitres. Le livre en question traite spécialement des principes de la morale évangélique et de leurs applications. À ce sujet, le codificateur nous éclaire dans l'introduction que l'on peut diviser les matières contenues dans les évangiles en 5 parties. Les actes ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et l'enseignement moral. Si les 4 premières parties ont été l'objet de controverses, la dernière est demeurée inattaquable. Selon Kardec, l'enseignement moral est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelle que soit leur croyance. Une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice, la route infaillible du bonheur à venir. Le codificateur justifie ainsi le choix de l'enseignement moral du Christ pour l'élaboration du livre, les principes de la morale évangélique constituant donc l'objet exclusif de ce livre. Les maximes y ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature et non selon l'ordre chronologique, afin qu'elles se déduisent les unes des autres. Avec ce matériel didactique organisé et en utilisant la clé offerte par le spiritisme, la réalité du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel, professeur Rivail réalise l'explication des passages obscurs et le développement de toutes les conséquences en vue de l'application aux différentes positions de la vie. Cette clé, facilitant la compréhension du véritable sens des points inintelligibles des évangiles, de la Bible et des auteurs sacrés, ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir et jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. le ciel et l'enfer. La couverture de ce livre mentionne « Examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. » suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Il a été publié en 1865 sous le titre du livre « Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme ». Il est constitué de deux parties, la première intitulée « Doctrine » comptant 11 chapitres et la deuxième intitulée « Exemple », 8 chapitres. Dans un article publié dans la revue Spirit de septembre 1865, Kardec, en présentant le ciel et l'enfer, nous informe principalement de l'objectif du livre, des matières et de la fondation et de la façon dont elles ont été organisées. Le titre de cet ouvrage en indique clairement l'objet. Nous y avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa destinée. La première partie de cet ouvrage, intitulée « Doctrine », contient l'examen comparé des diverses croyances sur le ciel et sur l'enfer, les anges, les démons, les peines et les croyances futures. Le dogme des peines éternelles y est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois mêmes de la nature et qui en démontrent non seulement le côté illogique, déjà signalé 100 fois, mais l'impossibilité matérielle. Avec les peines éternelles tombent naturellement les conséquences qu'on avait cru pouvoir en tirer. La seconde partie renferme de nombreux exemples à l'appui de la théorie, ou mieux, qui ont servi à établir la théorie. Ils puisent leur autorité dans la diversité des temps et des lieux où ils ont été obtenus. Car s'ils émanaient d'une seule source, on pourrait les regarder comme le produit d'une même influence. Ils la puisent, en outre, dans leur concordance avec ce qui s'obtient tous les jours partout où l'on s'occupe des manifestations spirites, à un point de vue sérieux et philosophique. Ces exemples auraient pu être multipliés à l'infini, car il n'est pas de centre spirite qui ne puisse en fournir un notable contingent. Pour éviter des répétitions fastidieuses, nous avons dû faire un choix parmi les plus instructifs. Chacun de ces exemples est une étude où toutes les paroles ont leur portée pour quiconque les méditera avec attention, car de chaque point jaillit une lumière sur la situation de l'âme après sa mort et le passage, jusqu'alors si obscur et si redouté, de la vie corporelle à la vie spirituelle. C'est le guide du voyageur avant d'entrer dans un nouveau pays. La vie d'outre-tombe s'y déroule sous tous ses aspects comme un vaste panorama. Chacun y puisera de nouveaux motifs d'espérance et de consolation et de nouveaux soutiens pour affermir sa foi en l'avenir et en la justice de Dieu. C'est un livre important et nécessaire, tout comme les autres livres de la codification, vu que les questions comme le ciel, l'enfer, le purgatoire, les anges et les démons, les peines éternelles, la justice divine, qui sont analysées à la lumière des enseignements spirites, sont remis dans leur véritable sens. Kardec affirme « Le ciel et l'enfer est un pas de plus dont la portée sera facilement comprise car il touche au vif de certaines questions. » La Genèse. Publié en janvier 1868 sous le titre de « La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme », ce livre clôt la série des 5 livres de la codification spirite. Sa couverture mentionne que la doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immortalité et l'immuabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. L'objet de ce livre est donc l'étude de 3 points, à savoir la Genèse proprement dite, chapitres de 1 à 12, les miracles de 8 à 15 et les prédictions de 16 à 18. Dans un message daté de décembre 1867, l'esprit de Saint-Louis, parlant du livre qui était sur le point d'être publié, affirme « Ce livre vient bien à propos, car la doctrine est aujourd'hui bien assise du point de vue moral et religieux. Quelle que soit la direction qu'elle prendra dorénavant, elle a des racines profondes dans le cœur des adeptes afin que personne ne puisse craindre qu'elle dévie de sa route. Le spiritisme entre actuellement dans une nouvelle phase. » À l'attribut de consolateur, il allie celui d'instructeur et de directeur de l'esprit en science et en philosophie, tout comme en moralité. La charité, sa base inébranlable, on a fait le lien entre les âmes éternelles, la science, la solidarité, la progression, l'esprit libéral en feront le trait d'union entre les âmes fortes. La question de l'origine qui se lit à la Genèse est passionnante pour tous. Un livre sur ce sujet doit donc intéresser tous les esprits sérieux. Par ce livre, comme je vous l'ai dit, le spiritisme entre dans une nouvelle phase et cette phase préparera les voies de celle qui souffrira plus tard. Avec la Genèse, le codificateur a ouvert une brèche sérieuse dans le domaine de la science, sans pour autant négliger les questions terrestres qui étaient réservées à la théologie ou à la philosophie. L'importance et l'opportunité de cette œuvre est soulignée dans deux communications données à Kardec par les esprits qui l'ont aidé dans son travail. La première, datée de septembre 1867, dit « Je suis satisfait personnellement du travail, mais mon opinion est peu de chose auprès de la satisfaction de ceux qu'il est appelé à transformer. Ce qui me réjouit surtout, ce sont ses conséquences sur les masses, tant dans l'espace que de la Terre. » La seconde, de juillet 1868, affirme « L'impulsion produite par la Genèse n'est qu'à son début, et bien des éléments ébranlés par son apparition se rangeront bientôt sous votre drapeau. D'autres œuvres seront, et sérieuses, et paraîtront encore plus achevées d'éclairer la pensée humaine sur la nouvelle doctrine. Comme prévu, dans ces communications, beaucoup ont été touchés par ces nouvelles études et en conséquence, d'importantes recherches ont été lancées. Des livres, des traités, des marques de cette nouvelle phase où était entré le spiritisme, selon l'affirmation de Saint-Louis. Le spiritisme entre dans une nouvelle phase et celle-ci préparera les voies de la phase qui s'ouvrira plus tard. Chaque chose doit venir en leur temps. » Maintenant, voyons la concordance de principes dans les œuvres de la codification, l'unité doctrinale. Il existe une concordance de principes dans les œuvres de la codification spirite, de forme que dans le livre des esprits, le premier publié, il y a un noyau central de concepts spirites qui constitue la première et la deuxième partie, qui traitent respectivement des causes premières et du monde des esprits. La deuxième partie, qui part du chapitre 6 à 11, forme la source du livre des médiums. La troisième partie, des lois morales, est la source de l'évangile selon le spiritisme. La quatrième partie, des espérances et des consolations, est la source du ciel et de l'enfer. La Genèse trouve sa source dans la première partie du chapitre 2, 3 et 4, la deuxième, chapitre 9, 10 et 11, et la troisième, chapitre 4 et 5. L'introduction et le prolégomène du livre des esprits ont été la source de « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Cette concordance révèle l'unité doctrinale du spiritisme, comme le mentionne Deolino Amorin. Ce chercheur émérité affirme que le livre des esprits est la colonne centrale du spiritisme, non seulement pour être le premier livre, mais parce qu'il contient les enseignements de base de la doctrine. Tous les autres livres de la codification contiennent le développement de ces enseignements, constituant avec le livre des esprits un corps de doctrine, où toutes les parties s'ajustent de façon harmonieuse et interdépendante. Cet auteur ajoute que, comme la doctrine spirite possède trois autres fondamentaux, scientifiques, philosophiques et religieux, ces derniers ne pouvaient pas être étudiés ou développés de façon unilatérale sans perdre et sans peine de casser l'unité doctrinale mentionnée. De même, il ne conviendrait pas d'étudier uniquement le livre des esprits ou l'évangile selon le spiritisme, et ainsi de suite, car, comme toutes ces œuvres de la codification sont interdépendantes, on perdrait de vue l'ensemble indispensable à sa compréhension. Il souligne enfin que la forme de la doctrine spirite est justement dans la sécurité de son unité. Pour conclure, avec l'esprit Emmanuel, on peut dire que les principes codifiés par Allan Kardec ouvrent une nouvelle ère pour l'esprit humain, le poussant à s'ausculter lui-même, dans le réajustement des chemins tracés par Jésus pour le véritable progrès de l'âme. Il explique que le spiritisme, par cela même, est le disciplinateur de notre liberté, non seulement pour que nous ayons sur la terre une vie sociale dignifiante, mais aussi pour que nous ayons, dans le domaine de l'esprit, une vie individuellement harmonieuse, dûment ajustée sur les impératifs de la vie universelle, parfaite, selon les normes de la justice éternelle, élaborées pour l'équilibre suprême des lois de Dieu.